rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap spécial Islem. Passez une bonne soirée et bienvenue. Coup d'envoi de ce Planète Rap pour la quatrième soirée avec Islem qui est là. Comment va? Bah ça va toujours et toi? En pleine forme? Toujours. La journée? Ça va, bah longue journée promo, mais ça va, on enchaîne sur le Planète, c'est un délice. C'est la récréation. Ouais, voilà. Bah bienvenue dans ton Planète Rap, c'est à toi toute cette semaine. Et on en profite bien avec évidemment le compère qui est là, celui qui a bossé sur l'album, mais celui que tu connais depuis... Celui que je connais depuis très très longtemps, il m'a vu grandir. Et tu l'as vu aussi grandir. Je dis ça dans le sens où il est plus grand que moi, tu vois, mais voilà quoi, c'est Dany Sainté. Dany Sainté, comment va? En forme? Ça va et toi? Bah écoute, bien. La forme? Bien. Tout va bien. Tout va bien. On continue les... Oublie pas. Non, alors là ce soir, il y a aussi Fred. Côtés. Salut. Que je n'oublierai pas, c'est bon. Je crois qu'on a passé tous les instrus sur lesquels j'ai bossé. Tu peux y aller. Merci Scrat d'être passé. Non, il reste. Comment ça? Il peut quand même commenter. Il a beaucoup participé au projet. Sans lui, le projet n'existerait pas, j'ai envie de dire aussi. Donc voilà quoi. L'album Où ça nous mène, où on retrouve en effet Scred. On va saluer aussi à tes côtés notre ami qui est là. Déa de Marseille qui a fait le voyage exprès. Et Déa, j'aimerais juste vous montrer, il m'a fait sa bio. Au moins, il m'a écrit. Mais non, parce que c'est vrai, il me rappelait en fait qu'il est venu plein de fois là sur la saison 2013-2014 dans les Planète Rap. Ouais. Et c'est vrai que je me suis replongé dans les Planète Rap sur lesquelles t'es passé avec Orelsan, avec Soprano, avec les Psychiatres, avec Alonso, avec Nesbill, avec les Casseurs Flotteurs et avec Islem. Voilà. Déa de Marseille qui est là et qui a bossé aussi avec toi sur l'album. Exactement. Et notamment le morceau Ange Gardien. Tout va bien? Ouais, impeccable. En pleine forme? Voilà, avant-dernière journée. Mm-hmm. C'est là qu'il faut être endurant. Et on va essayer d'être endurant pendant une bonne heure et on va se rappeler surtout ce qui s'est passé en live hier soir parce qu'il y avait pas mal d'invités hier soir. Il y avait pas mal d'invités, encore merci à elle d'ailleurs. Et à voir. Issue mensongère, mauvaise foi, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur restent en total désaccord. Plein de perdre tous mes repères. Si je suis ma tête, mon cœur se noie dans le remords. Issue mensongère, mauvaise foi, je ne peux m'y faire. Ma tête et mon cœur essaient de trouver un accord. Là, j'ai peur de réellement le perdre. J'ai peur, venue dans le délire, je te présente ma vie. Entre peine et rêve, y'a que l'interdit qui m'attire. L'horizon m'appelle, je crois que bientôt je me tire. Afin d'éviter le pire, hey, j'ai goûté à la mer pour répondre à mes désirs. Canaliser mon cœur tel un explosif. Souvent testé, j'assiste à des scènes tragiques. C'est à mes risques et périls, c'est à mes risques et périls. Mais tout est bien plus cool quand tu me tends l'oreille et tout paraît moins flou. J'oublie mes problèmes et d'un coup tout s'écroule. Tu m'écoutes. Ah là, ça a kické aussi hier soir. Il y avait Hawaï Mani qui était avec nous. On a écouté le morceau Grande Sœur que vous avez fait ensemble. Franchement, les filles Hawaï Mani, Kaina Samet, Linda et Amiem m'ont grave fait plaisir. Ouais, j'allais le dire. Et puis après, il y a eu du renfort pour le freestyle. En effet, avec Kaina qui était là, avec Ami qui était là du 9-4. Du 94, avec Linda Sherazade aussi qui est venue me soutenir et Orelsan aussi qui était là. Et Derka, Samara, et voilà, merci à tous les invités. Et j'ai l'impression que ce soir il y a encore du monde dans le studio en fait. Il y a du monde, ils sont un petit peu cachés. Bon voilà, en fait c'est les proches, c'est la famille. Puis les invités du soir, il y a la moitié là. Et ils vont pas tarder à arriver, le reste. Et bon, on les présente dans un instant. D'accord, ok. Le temps débuter de ce Planète Rap maintenant avec le morceau Petit Bateau. Oui, Petit Bateau, c'est validé. C'est ce qu'on écoute maintenant et c'est extrait de l'album d'Islem qui est dans les bacs. Petit bateau qui a échoué dans mon cœur. Il laisse un sentiment de peur. Petit bateau. Petit bateau, voyage sans loi ni peine. Esquive-moi tous ces vieux ravios qui n'attendent que ta perte. Petit bateau, tu croiseras des sirènes. Ne te jette pas à l'eau, elles ont du vice, méfie-toi d'elles. Besoin de carte ni boussole. petit bateau. Choisis ton équipage, fais bien le tri, c'est avec eux que tu prendras de l'âge. Petit bateau, c'est une chasse au trésor, à la conquête du bonheur, enfermé dans un coffre fort. Petit bateau, après tout qu'importe, viens grand de ce monde et vas-y que le vent t'emporte. Petit bateau à l'instant pour débuter ce Planète Rap avec Islem, notre invité. L'album où ça nous mène est dans les bacs. Enfin. Depuis lundi, allez l'acheter, il est dans les bacs ou vous pouvez le trouver aussi en téléchargement légal. Bah ça se passe bien, alors. Je vois pour l'instant téléchargement légal. Ouais, ça va, pour l'instant. J'ai pas contente. À me plaindre, ça va, je suis grave contente. La team Islem est là, mobilisée. Elle est au taquet. Elle envoie des messages aussi avec le hashtag Islem sur Skyrock. Balancez aussi vos questions, n'hésitez pas. Allez balancer au 41759 aussi par SMS. Le live est revenu, on nous a dit le live marchait pas. Un moment. Ouais. Il suffisait que t'arrives pour que ça marche plus. Mais le live est de retour, donc si vous voulez voir les images de ce Planète Rap, c'est sur skyrock.fm ou alors sur l'application Skyrock, vous avez accès au live directement. On présente les invités ou quoi, Islem, tout de suite ? On présente mes invités tout de suite. À ma gauche, Style Fresh. Qui est là, qui va prendre le micro, ça va bien ? Ouais, bien quoi. Et toi ? Tranquille, on est là. Hein. En pleine forme. Moi, je me souviens de vous deux, la dernière fois, je crois que t'étais venu pour le projet de Style Fresh. Ouais, mon Planète Rap. Et vous aviez fait ce live de ce titre absolument incroyable qui est sur ton projet. Ouais, c'est et ça. Moi, j'aime beaucoup. Ah ouais, je trouve qu'il y a une... Et puis il y avait une vibe quand vous l'avez fait tous les deux. J'ai beaucoup revu d'ailleurs ce live. Voilà, il y a un truc qui se passait entre vous. C'est gentil. Bah, c'était en attendant l'été. Sur le projet Marche au Rêve de Style Fresh. Bah là, on peut attendre l'été 2014 et aussi aller trouver le projet de Style Fresh. Exactement, Marche au Rêve et je prépare un autre truc aussi qui arrive fin d'année. Fin d'année 2014. Ouais, exact. Bon, c'est quoi votre rapprochement tous les deux alors L'histoire Islem. En fait, on s'est rencontrés à plusieurs concerts en fait, tu vois. Il y avait celui de Brasco et Dani Santé quand vous avez fait votre projet. On s'est vu aussi au concert de FAB, tu vois. Après, on a sympathisé. Et après, je l'ai invité. Je mixais mon album, je l'ai invité pour écouter quelques sons. Et elle m'a fait écouter son album aussi. Donc, je le connais depuis longtemps et je kiffais, j'étais fan. J'attendais juste qu'il sorte, tu vois. Donc, c'est cool là qu'il soit en ligne, c'est lourd. Très bien, bah toi pareil aussi. Ouais, j'ai rien à ajouter, il a absolument tout résumé, c'est parfait. Parfait, t'as été très bien. On va voir si l'autre invité en face de toi va être aussi bon. L'autre invité en face de moi, c'est Esprit Noir. Ça va quoi ? Esprit Noir d'ailleurs qui viendra dans une nocturne demain soir, loupez pas, juste après Difool, à partir de minuit nocturne, avec son projet qui arrive lundi, que t'as peut-être écouté d'ailleurs, Islem. Pas encore, mais j'ai hâte. J'attends. C'est. Ça va bien ? Ouais, ça va et toi ? Bon, un petit mot pareil, tu me dis un petit mot sur. Écoute, moi je l'ai découvert presque en même temps que Style Fresh. Et ouais, on est fan de ouf. On attendait, ça faisait longtemps et on avait écouté ton album et tout, et c'est très bien, tu vois. Et Petit Bateau, parce que je regardais, il y a un message. J'aime bien Petit Bateau de Banana String. Ah, tu repérais plutôt le pseudo en fait. Et tu veux le numéro de téléphone, non? Je te jure que j'ai pas fait exprès. Tu cherches le numéro de téléphone? Non, même pas. Et ouais, j'aime beaucoup ce morceau. Franchement, c'est un morceau hyper lourd, la vérité. Merci. Et j'invite tout le monde à écouter son album parce que il y a des gros textes dedans et de la bonne mélodie. Hein, Danny Syntax. Danny Syntax qui a réalisé une bonne partie du projet, on l'a dit, depuis le début de semaine. Donc voilà pour les premiers arrivants, j'ai envie de dire, dans ce Planet Rap. Ils sont là avec nous. Ils sont là. Et ils sont l'équipe présents. Nouvelle École. Exactement. Yeah. Moi, je les ai invités parce que ce sont des personnes qui m'ont donné beaucoup, beaucoup de force. Et voilà, je tiens à les remercier. J'ai enfin mon planète, je veux qu'ils le voient. Et voilà, ils sont avec moi. C'est vrai que c'était important. Il y a des gens qui t'ont invité, des gens qui donnent de la force. Alors, on voit avec la team Islem et puis des gens qui sont aussi au micro. Donc, de se sentir invité parfois, ça doit être bon quand on écrit, quand on doute. Ouais, bah, c'est tu te dis, ton talent, il est validé par des personnes que t'écoutes, que t'admires, que voilà, tu suis un petit peu. Donc, ouais, ça peut que être encourageant. C'est de la force de donner, c'est de l'essence dans le moteur, tu vois. Carburant. Voilà. Bon, entre 20h et 21h. Oh là là! Ah, tu l'as invité aussi ou il est pas invité? Non, je crois qu'il est pas invité, je sais pas pourquoi il est là, franchement. C'est incrusté. Ce temps il m'a mis en retard. Ah mais dis pas qu'il arrive aussi. Ouais si il arrive. Il est là, ils sont là tous les deux. Il est en bas, il remplit sa feuille d'absence. Une partie de la team BS qui est là. Aussi. Avec Fababi qui vient d'arriver, comment ça va? Prêt de savoir. Bien et toi? Bonjour. Tout roule? Ouais, tout roule. Tu es piquant? Ouais, tout à fait. Plutôt, ouais. Tu es très piquant. Bon, tout va bien? Ouais. Bah, c'est Fababi, au cas où on l'a pas cité, c'est Fababi qui vient d'entrer. Ah bah regarde, bah suivi de près. En fait, j'ai compris, t'as voulu arriver avant Sultan en fait. Non, mais pas. Mais c'est pour ça que t'es essoufflé. J'ai couru. C'est pour ça que t'es essoufflé. On arrive en même temps, mais j'ai couru. Il y a Sultan qui est là aussi, qu'on va saluer dans un instant. Bon, bah dis-nous un petit mot, parce que Fababi a pris la place autour de la... Fababi, j'ai compris pourquoi, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sièges, il s'est dit au moins j'ai le siège. Fababi, bah, c'est quelqu'un qui me suit depuis ma solitude, il me prouve son soutien et il valide ce que je fais. Il m'a donné beaucoup, beaucoup de force, beaucoup de conseils. Il a eu l'occasion d'écouter l'album aussi avant tout le monde et voilà, ça a été un gros soutien. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'être dans son album, La Force du Nom, sur deux titres. Et voilà, je tenais à l'inviter aussi parce que c'est l'une des personnes qui m'a beaucoup boosté. Voilà. Tu veux ajouter quelque chose? Tu pourrais. Tout dit, je pense. Non, mais tu peux, mais sur elle, sur sa voix, sur son talent, sur son album. Pour moi, si tu veux, Islem, c'est la meilleure. En termes de voix, en termes de chant, en termes de texte, surtout. Elle est très mature dans son écriture. Elle fait penser un peu à Wallen. Bon, beaucoup plus jeune, on lui le dit souvent. Ouais, on l'a dit cette semaine. Ouais. C'est vraiment, elle est vraiment, vraiment, vraiment très forte. C'est pour ça que j'ai tenu à l'inviter deux fois sur mon album. Je la suis depuis ses débuts, depuis la première fois où elle est venue ici avec Nesbill. Plein de choses à dire. C'est quelqu'un qui me conseille aussi beaucoup sur mon album, sur les choses à faire, à ne pas faire. Parce que c'est vrai que si elle n'aurait pas passé certains coups de fil, j'aurais clashé beaucoup de rappeurs. Et voilà, franchement, c'est quelqu'un aujourd'hui. Si on va dire que j'ai encore envie de faire de la musique, c'est en partie grâce à elle parce qu'elle booste, elle donne la force. Et voilà, c'est une petite sœur qu'on aime beaucoup. Et voilà. Puis mon dernier invité, bah merci beaucoup, Fababi. Merci. Vas-y, c'est son anniversaire aujourd'hui. Du coup, si on lui chante une petite chanson, ça serait cool, là, vu qu'on est bien nombreux. Ah, bah vas-y, donne-le là. Anniversaire. Oh, Fababi chante. Fababi chante. Joyeux anniversaire. Il est carrément gaze. Bah voilà, c'est Sultan. Il croit que c'est un bête de truc. Est-ce qu'on peut applaudir au moins Sultan? Bravo et bon anniversaire à Sultan. 30 ans déjà. 35 ans déjà. Dont 20 ans dans le rap game. Du coup, voilà. Joyeux anniversaire, Sultan. Eh bah, bon anniversaire, Sultan, bienvenue. Merci. Tu as vu cette petite fête qu'on a prévue pour toi? Franchement, ça me touche. Je suis désolé, il y a un invité qui est sorti du gâteau qui n'était pas prévu. Il n'était pas prévu, toujours. T'as empoisonné, lui, toujours. Il est arrivé, mais ouais, ça va bien? Ok, ouais, ça va. Bon, bah, je te laisse dire un petit mot aussi sur Islem. Islem, oui, c'est un artiste que je suis de près. Je l'ai connu à l'époque, je sais plus c'était en quelle année, j'avais fait un morceau à buzz sur internet qui s'appelait Trahison. Et Islem, elle avait sorti un morceau aussi à cette époque-là. Et depuis, j'ai pas lâché. Je l'avais rencontré la première fois, c'était à Villiers. Dans un gymnase, il y avait un concert. Et depuis là, je suis derrière et je suis de près et j'apprécie beaucoup. Et bah merci de ta venue en tout cas, Sultan, qui est là aussi avec nous. Et puis on continuera à parler avec tout le monde dans un instant. Merci Sultan. On met un morceau Issem de l'album. Il y en a marre quand même. Un petit cadeau, un petit morceau anniversaire pour Sultan. Si tu devais choisir un, voilà, genre c'est ton cadeau, tu lui offres un titre ce soir. Ou cette semaine. Ah, Sultan, c'est pour toi. Ah ouais. Elle a choisi, c'est le ton cadeau d'anniversaire. Ah, voilà, d'accord. Le message il est simple. Où ça te mène. Allez, on balance le morceau. Et c'est extrait de l'album maintenant. L'album d'Islem qui est notre invité toute la semaine dans Planète Rap. Extrait de l'album d'Islem à l'instant. C'était le cadeau pour Sultan, pour ton anniversaire. Merci, merci, un beau cadeau. Est-ce qu'il t'a plu ce cadeau avec la voix d'Islem? Ce morceau, je le connaissais, j'ai écouté le début de ton album. J'ai pas eu le temps de tout écouter, mais voilà, je l'ai acheté en tout cas. Fababi, ça t'ennuierait d'écouter un peu ce qui se passe au lieu de. En fait, il se fout moi, de ma gueule bien, parce moi, qu'il a eu la Lisbonne en fait. Putain, il aime trop tout dire. C'est le bâtard, va. Tu dis des gros mots plein de trad d'islam, t'as même pas honte. Starful là. Ah, tu le regardes même plus. Non, ça y est. De toute façon, les deux réunis, c'est tout le temps. Ouais. Ah ouais, les deux. Ouais. Ça y est. Tu les as pas eu en studio, les deux? T'as pas enregistré un morceau avec eux en studio? Pas eu l'occasion encore. Non, en solo, ils étaient tout seuls tout le temps, voilà, jamais tous les deux. Islam, elle peut pas parler. Parce qu'en studio, elle est dissipée. Oh lolo lolo. C'est la deuxième fois qu'on le dit dans la série. Oh lolo. Dani, Dani, s'il te plaît. C'est la deuxième fois. C'est quand même la vérité. Scred nous a dit ça en début de semaine. C'est elle qui dit ça. Oh lolo. Je suis dans mon univers, je travaille, tu vois ce que je veux dire. Il faut que je rentre dans mon personnage, tu vois. Elle a un personnage schizophrénique. Au début, tu te rappelles quand t'as enregistré, quand t'as fait ta petite voix? On est au studio, on attend qu'il se lève et pose. T'entends. Je suis une souris. Je dis, mais pourquoi elle a dit ça? Non. Elle est dissipée. Ah, elle est dissipée en fait. C'est la regarde deuxième comme fois ça, qu'on dit ça dans la semaine. Ouais, bon, ça arrive, tu vois. Il faut quand même kiffer ce que tu fais. Donc. Ouais, mais quand même, je garde un bon souvenir de quand j'ai enregistré pour l'album Afa Baby. Mmh. Très bon accueil, chaleureux. Et puis lui aussi, il faisait le clown. Du coup, comment ne pas être dissipé avec lui, tu vois? Comment ne pas rigoler? Je l'engraine. Ouais, je peux, je moi, te dans sens la bien, classe, je toujours celui qui engraine. Je te sens bien engrainé un peu, toi. Non? Tout à fait. Tout à fait. Bon, la Team BS, donc il y a une partie de la Team BS avec Sultan, avec Fababi. Il y a Esprit Noir qui est là aussi, Style Fresh, avec nous entre 20 et 21. Vous allez faire du live tous ensemble tout à l'heure? Ouais. Quelque chose de prévu? Oui, on va faire un live. On a prévu un live tout à l'heure et puis on verra. Avec Esprit Noir. Oui. Et on balancera aussi un autre titre dans quelques minutes. C'est lequel qu'on va mettre, Islam? Partir. Partir, ouais. Bougez pas, ne bougez pas, le retour du Planet Rap, c'est juste après ça. Planet Rap. Yeah. Planet Rap, référence du rap, photo faut que tu captions. 20h-21h sur Skyrock. Et avec Islam cette semaine, entre 20h et 21h, avec des invités aussi, il y a évidemment Dany Sainté qui est là, il y a Style Fresh, il y a Esprit Noir, il y a les deux turbulents de la classe là. Fababi Sultan, je réfléchis, je me demande si je vais pas aller changer de place là. Tu arrêtes, on va faire à chaque bout de table comme ça. C'est comme une prof, là, vide-moi. C'est vraiment une prof. C'est ça en fait, Issam, tu as raison. On pourrait en mettre un parce que. On sait jamais, et lui qui tire le cheveu ou je sais pas. Non, on sait jamais. On sait jamais. Tu veux parler, Sultan? Bah voilà, tu vois, je suis gentil, il fait le malin. Rien d'autre à ajouter? Ça va, Sultan? Sinon, ton album, ça avance comment? Non, il y a un micro. C'est l'anniversaire de Sultan aujourd'hui en même temps. Voilà. Mon album va être beaucoup mieux que tous tes projets réunis. Ok, oh, j'espère. Que... Oh. Non, je rigole, tu connais. Bon, voilà, avec nous, entre 20 et 21, dans un instant, il y aura du live, il y a l'album où ça nous mène. On a les premiers morceaux qui s'appellent... Partir. Oui, j'ai eu un moment d'absence, partir, ouais, c'est un morceau. J'ai senti qu'il était parti, justement. J'ai du mal. Partir, c'est un morceau composé par Scalp. Du coup, gros big up à Scalp. Hein. Et puis voilà, tout de suite le morceau. Non, on va le mettre dans un instant. Mais... Ah, d'accord, ok, très bien. Raconte-nous un peu l'histoire de ce morceau, de Partir, de comment il est né, comment partir, tu l'as écrit. C'est l'un de mes tout premiers morceaux. Je pense que je l'ai écrit à 14 ans. Je me rappelle avec Dany. En 2008. Ouais, on l'avait chanté. Il y a 6 ans, ouais. Ouais. On l'avait chanté à un open mic. D'abord, c'était un piano-voix, pas trop de mélo et tout. Mais au final, Scalp, il a donné de la vie à ce morceau autour de ses mélodies. Donc. Voilà, partir, ça. Et ben, on va le découvrir dans un instant. Partir, mais juste avant, je vous présente, c'est Picos, c'est ça, de Garge? Ouais. Ah, Picos, ouais, si, c'est toi, ça va? Ouais, je vois quoi. Ah, bah écoute, bienvenue dans le Planet Rap d'Islam, je te la présente. Salut Picos. Ça va ou quoi? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. On va t'écouter rapper maintenant? Vas-y, ouais, il y a qui là dans le studio? Il y a Fababi et tout, non? Fababi est là, il y a Sultan qui est là. Il a pas dit ton nom, toi? Il y a Style Fresh. Moi. Il y a Sultan là, arrête la tête de Comorien. Ouais, Sultan. Oui, toi je t'aime bien déjà. Attends, tu commences, toi, on va pas s'entendre. Hein. Non, si on va s'entendre. J'espère que tu vas bien rapper, sinon on va terminer ici. Hein. Non, t'inquiète, je suis là, ton pare-balles. Si tu veux, on se termine sur Twitter, comme on a l'habitude de faire, parce que je sais pas si tu me connais, mais on a l'habitude de parler. T'aurais dû te taire, hein. Il a dit, t'as déjà fumé sur Twitter, tout ça. Bref, sinon. Non, mais a priori, il te connaît non, aussi. Fred, Picos, il te... Non, Fred, il engueule. Non, on va ensemble. Picos, on t'écoutera. Eh ben, vas-y, c'est parti. C'est sur Freestyle par téléphone. Ok, bien, par un GZ. Ok. Tu es grand, ok. Nouvelle génération, pense qu'à moi c'est publié. Que d'un business faut tout gérer et rouler en cabriolet. J'ai toutes ces semaines, je leur mets propos et je suis âgé. Moi je suis venu pour ces rebelles et je vais juste remplir ma queue. Dédicace tous mes guerriers, ils sont postichés sur le rein. C'est toute la journée à 8h, à la fin il y a des billets verts. C'est le freestyle, j'ai 22, blanc les bleus. C'est parti, course pour tout, passe les vitesses. C'est en vitesse, sur la masse, roule-moi ça, allume le moi. J'ai donné le moi sur le AMG, de l'éclat, ça appelle Booba pour pilote femme. Coupe à la mode italienne, je veux aller à vous en pense à Yen. Sors le verre, tranquille, c'est blessé le Jean Daniel. Rolli, cagoule, baisse la vitre, rafale, ça met c'est très vite. Rafale, même toute son équipe, avant que les queues trafiquent. Taille de la paquette, robe renoir pour la recette. 3-5-7 balles dans la tête, tu ne sais plus aucun geste. J'ai pris le MIC, tous les MC, je les ai blessés. Et le public, je les ai blessés, tous les darons, je les ai outre. Je suis désolé, monsieur l'agent, je ne voulais pas vous empêcher d'enfermer les refrains, mais la triste m'y a obligé. Yes, Picos de Garge à l'instant en freestyle. Ah, yes. Elle est lourde, le combo. Eh ben, merci à toi. On peut te retrouver. Donc, a priori, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux si tu connais bien Sultan. Picos Garge, P-I-I-K-O-Z-G-A-R-G-E-E-S. Picos Garge, ouais. Sultan, là, si tu veux clasher avec ta tête de Mogo, on va clasher sur Twitter. Yo, clasher alors. Le gars là, est chaud. Je suis prêt, je suis prêt. Et t'as gagné un feat avec Fab Baby grâce à ton freestyle, je tenais à te le dire. Ah oui, il en a raccroché. C'est pas mal. C'est pas de ma faute. C'est pas grave, c'est un coup monté. T'es parti, Picos, hein? Ah ouais, okay. Non, grave. C'était pas un coup monté, je vais signaler son compte. On va écouter donc le morceau Partir maintenant. Exactement. Islem, si tu veux bien. Moi, je veux toujours. À la prod de ce morceau, Skalpovic, on l'a dit tout à l'heure. Mmh. Et on l'écoute maintenant, c'est extrait de l'album qui est dans les bacs depuis lundi. Pour gagner de la monnaie, moi j'en fais pour que tu puisses réaliser. Que jour en jour nous piétinons nos rêves. Un à un, ils sont en train de nous écraser. Mais réalise qu'à cause de nos actes, le monde crève. Les familles ne trouvent jamais rien à manger. Les jeunes d'aujourd'hui respirent de plus en plus la haine. N'augmentent pas les salaires, mais ils augmentent les loyers. Si t'es jugé à ta couleur de peau, il est en France, mais il te voit comme un étranger. Comme dit Hussein, ici c'est chacun pour sa peau. Ils cherchaient la paix, mais c'est le contraire qu'ils ont trouvé. Aujourd'hui, tu nous allies, tu nous opposes. La défiance règne et colonise nos cités. Chaque jour, j'observe et interprète les choses. Et quand je vois tout ça, ce que j'aimerais faire. Partir là, partir, il ne m'attend personne. Oublier ces cris qui dans ma tête résonnent. Partir, oublier ma vie. Oublier un peu l'hypocrisie des hommes. Partir, redessiner la réalité. Certains se croient forts et veulent jouer leurs indépendants. Ruinent leur vie et ont oublié certains de leurs proches. Marre de toujours entendre le même slogan. Le temps c'est de l'argent, donc surveille bien ton horloge. Trop naïf, tu les crois honnêtes et pourtant ils ont assez de cran pour aller briser le cœur d'un homme. Possessif, tu veux tout et pour toi seulement. T'embrasses ton argent, ton voisin n'a rien dans les poches. Il est grand temps de changer de paysage. Cet endroit m'a abîmé. En attendant, c'est mon passé qui me rattrape. Il me suggère de me faire oublier. Partir loin, partir où ne m'attend personne. Oublier ces cris qui dans ma tête résonnent. Partir, oublier ma vie. Partir loin, partir, où plus rien ne m'étonne. Oublier un peu l'hypocrisie des hommes. Partir, redessiner la vie. Je pense au bled, à mon père, car y'a que là-bas que je le vois, le sourire aux lèvres. Ouais, pas stressé, apaisé, à croire qu'y'a que là-bas que ces sourires ne sont pas forcés. Ouais, je pense au bled, à ma mère, car y'a que là-bas que je la vois, le sourire aux lèvres. Pas stressé, apaisé, yeah. Oh, oh, partir loin, partir, où ne m'attend personne. Oublier ces cris qui dans ma tête résonnent. Partir, oublier ma vie. Ah, qu'il y a les blédis et ma. Partir loin, partir, cet homme, oublier un peu l'hypocrisie des hommes, partir, redessiner la Arkéléalet, tout ne sera pas là. Où ne m'attend personne, oublier ce cri qui dans ma tête résonne, partir, oublier ma vie, partir loin, partir, où plus rien ne m'étonne, oublier un peu l'hypocrisie des hommes, partir, redessiner la vie, partir là-bas, je déploie mes ailes pour aller m'exiler là-bas. Le morceau Partir à l'instant d'Islem. C'est bien, tout le monde est d'ailleurs content d'entendre ce morceau. Hein. Bah, jusqu'à ce temps et moi, depuis tout à l'heure, on se battait pour parler ou ne pas parler. Mais là, on ne savait pas du tout parler. Le morceau, il est relou. Il est vraiment relou, tu vois. Je l'avais déjà écouté, j'avais kiffé, elle ne voulait plus me faire écouter. Relou, c'est pas dans le sens. Non, jamais. C'est-à-dire vraiment, c'est de la frappe, c'est du lourd, tu vois. Mmh. Et elle m'avait fait écouter une fois au mix de Fresh. Après, elle m'a puni. Je l'ai plus revu, plus de contact, plus rien. Mais là, franchement, c'est un truc de ouf. Merci. Franchement, t'as fait un bête de son, un putain de son. Vraiment. Merci, merci beaucoup. Sultan, tu voulais ajouter quelque chose? Bah, non, je voulais dire que franchement, j'avais jamais entendu Islem mélanger avec Scalp. Et ça fait un putain de mélange, c'est lourd. Voilà. Ouais, le morceau, il est sur l'album. Il est sorti lundi. Ouais, c'est le dernier morceau de l'album. Et maintenant, si vous voulez bien, on va passer au live. Très bien. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Fababi? Ouais, je sais pas. Il y a Style Fresh qui m'a l'air bien chaud. Hein. Il est à tes côtés depuis tout à l'heure. Ouais, il est calme. C'est le silence avant le 7.35. Session freestyle. Session freestyle sur une prod à Monsieur Scred. Ouais. Un titre que j'ai repris en fait à la base, c'est Rime Instinctive de Nesbill. Donc du coup, gros big up à lui et puis gros big up à Scred aussi. Allez, on y va maintenant sur Skyrock. C'est parti, session freestyle avec Islem, avec Style Fresh, avec Esprit Noir, avec Fababi et avec Sultan. Une fois assez mûr pour comprendre malheur de maman, j'ai su qu'avant les autres je devais devenir grande, qu'après chaque chute j'allais marcher sur mes deux jambes, révéler mes tourments, serait leur foutre une boule au ventre. Mais moi je voulais pas me taire dans le silence, je comprenais pas pourquoi la chance était si lente. Papa me regarde donc je souris mais je mens, comment leur dire qu'au fond c'est Léon. Je suis pas née dans la soie, je connais pas de cuillère en argent. Avec mes camarades, on n'est pas placés dans le même rang. Huissier, tête raisonnée quotidiennement. Maman pleure quand elle entend nos gargouillements. Et au milieu de tout ça, j'essaie de pas perdre le nord. Mes frères et moi, on rêvait de marcher sur l'or et puis rester droit. C'est pas facile pour tout le monde, encore moins quand les chemins sont sombres. Et pression sur pression, comment soigner mes plaies profondes. Sauter du wagon, je suis à deux doigts toucher le fond. L'esprit piétiné, perdu dans un débat sans fond. Sortir de l'ombre ou me laisser m'inonder. Mal entouré, je vois bien qu'ils me prennent tous pour un pion. Sous-estimé, suis-je incapable de changer le monde. Et que j'ai pas des proches qui attendent que je tombe. Tant que je tombe, tombe. Et non, non, je peux pas m'y faire. Avec cette vie, je perds la tête. Faut que je m'en aille. Je m'en aille, la vie de rêve m'obsède. Et cette routine qui m'observe, non, il faut que je m'en aille. J'ai failli me faire enterrer par une maison de disques. J'aurais été plus à l'aise en tant que sans domicile fixe. Ça parle de rix, de risque, remballe tes blèmes de riche. Je te jure que ça me ferait bander de me faire harceler par le fisc. Monte le son dans ton coupé sport, passe les rapports. Mes potos soulèvent Raptor, moi je soulève rappeur. Ça me déambule en roue arrière dans le XX. Le diable est parmi nous quand je rajoute L dans Ibis. Yes, futur best, à qui s'adresse, à toute la thèse. Penche ta tête ou bouge ta graisse, retourne ta veste, on trouve ta veste. Fais pas le fou, tout est tardivresse, un mauvais coup, mon gars. reste. Je veux la caisse, ça va, tu dis blesse. Ton son blesse, ben le mien ne pèse. Yeah. Yeah, style. Ok, je continue. Islam ou Sanomen, c'est dans les bacs, ma gueule. N-E, prends pas la N-E. Tous les jours, rêver d'une caisse pleine de love. Ils ne savaient pas que je n'ai pas cargole. Que j'ai pas les moyens d'en avoir à l'bol. Tous les bonhommes, on en a vite fait le tour. Je parle pas, j'agis, c'est tout. Très peu pour un prendre pour moi, pour très peu. Je pourrais prendre des coups, je suis 4, j'ai été Minitel. J'ai saccagé, tout sera nickel. La prestance, elle est mortelle. La concurrence est mortelle. Pour bouger les postures. Bang bang pour nous pesto. Le respect, on l'écume. Y'a que le shit qui nous encule. Yes, mais bouc ta graine. C'est pour l'endron, YZF. La foule en liesse. C'est du style fraîche dans toute la pièce. La foule s'acquiesce. Les gars, tu nous verras jamais sucer. Jamais nous baisser. Motherfucker, y'a que ma main qui accepte de se faire baisser. Yeah. Ça nous N-E, pas la haine. Yeah. Vas-y, esprit. Esprit noir. Islam, bon, ça nous mène. You know. J'suis venu pour libérer l'otage, j'suis le pro du pilotage. J'la lame entre les kilogrammes, les tests des kilogrammes. La tease affecte et vide nos crânes, la ville elle vire au crâne. Cousin j'emmerde les bureaucrates, leur mère car bureaucrate. Moi j'suis venu pour faire taire la taupe, conçu pour te faire la peau. J'regarde le diable qui tape leur côte, la coque sous ta falco. Monsieur l'agent, j'suis pas d'humeur, ce soir on parle pas. Comme une arme, j'suis un fils seul qui cherche le son du papa. Renoir j'ai le bouge, la basse qui colle, la classe de Washington. On fait des sommes via taxiphone, tous nos impacts chiffonnent. Entends le bruit du chant des vautours. La mélodie des briques est de retour. Règle sur ma route, mais je les contours. L'arme dans les yeux, la menthe, les dents, du sang sur les contours. Je te l'ai déjà dit, on boxe en heavyweight. Tu peux me trouver sur Panam Heavyweight. Entre oui dans Costard, souci, cauchemar, Gucci, Coachstar. J'en ai plus rien à foutre. J'arrive en courant dans la foule, par où vient la foule. Le marabout j'ai samplé. J'ai vu le bavard faire des signes. J'ai vu le muet chanter. Aéroport c'est DG. Camelot plaque est DG. J'rêve de pétale PDG. On en a pas le PDG. Le poids de mes fautes, mes excès. Je paye hors taxe TTC. Forgé pas tram et DC. Impacte pas les blessés. Du clan des casquettes baissées. Ça sent un basket baisé. Le pilon ça va cesser. C'est plus rentable à cesser. Loin de moi l'idée d'encaisser. Finir PK tout baissier. Cigare tasse et fessier. Guitare ACDC. Jardin. Islam, ça nous mène. Tiens, où se loue-toi? J'ai un peu pensé ma furie, mon écurie des tueries. Les parotés pour mettre les lancers de yo-yo de Fleury. J'rappe le malheur de mes proches, aussi pour combler mes poches. J'rappe les délaissés de l'État qui sont tout plein de reproches. Mes frères qui tiennent le pavé, ceux qui n'ont jamais bavé. J'rappe pour ceux en bas de la porte qui ont plein d'épreuves à braver. J'rappagne ses habitants, ne se tous sous résidents. Ce qui compte c'est la fin du match, pas le score à la mi-temps. J'rappe pour tous ceux qui prennent la peine de m'écouter. Pour vous je me prends la tête, j'essaye faire de lourds couplets. J'rappe pour marquer les esprits, tout ce que je vis je le décris. J'peux plus voulais voir les choses en grand, y'a plus petit peu comme ici. J'rappe pour les bons vivants, j'rappe les fourgons cellulaires. J'rappe pour les gens conscients et ceux qui ont pas le formulaire. Même si c'est maintenant que je croque, j'peux pas changer de cap. J'peux foutre ma voix dans la pop, tes MC savent que je rappe. Tes MC savent que je rappe. Baby baby no more. Regarde où ça nous mène. You know. Oh, Islam. S'il pleut des balles, il fera ton parapluie. Vas-y. You know. Baby baby no more. Baby baby no more. You know. Baby no more. S'il pleut des balles, fera rien ton parapluie. Nul en alphabet, mais la bécane, je peux te la lever en I. Grand parano et un peu stressé. Ma foi est au bord de l'eau et je risque encore de prêcher. Quand les lumières s'éteignent, je suis parano et bizarre. De hasard, on écoute même plus Eden. C'est ce que j'aimais avorter. Il fait mal le 9-3. Baby, baby, no more. Baby, baby, no more. Mieux au garde-à-vue, mais je vois. On va la refaire, on va la refaire. Pour la plaisir, on remet, remet dès le début. Remets, remets. Remets. Yeah. Oh. Regarde où ça nous mène. Déjà dans les bacs. Va le chercher. Va le chercher, on ça ira le chercher. Détache-toi. You know. You know. Yeah. F.A. Baby. Baby, baby, no more. Islam, où ça nous mène? Où ça nous mène? Hey. Si bleu des balles, fera rien de parapluie. Nul en alphabet, mais la bécane, je peux te la lever en I. J'ai grandi trop, banlieusard et tressé. Ma foi est au bord de l'eau et je risque encore de pêcher. Quand les lumières s'éteignent, je parano et bizarre. Pour avoir bif de hasard, on écoute même plus Eden. Celle que j'aimais avoir, t'es rap pas d'un oeil le 9-5. J'ai compris que j'aimais baby baby no more. Bavard au quartier, mais au mieux j'suis dépôt. Vanter mes qualités, bon point noyer mes défauts. Ratatata comme les pays de l'Est. Shake, j'aurais pas dû faire Team BS. Amour, rupture et distance. Même si t'es Nadal, on traquette. 9-3, s'en fout ce que tu penses. On fait des hits, là ça c'est WhatsApp. Comme l'Algérie, moi je recto au sable. Remuer le passé, c'est des cadavres qu'on déterre. Ce que je dis me fait mal au ventre, normal j'écris que des vers. Poète noir que l'état dénigre. Tu peux frotter n'importe quelle langue, t'auras pas mon génie. Le silence m'empêche de réfléchir assis sur cette palette. J'ai ce qui est sur ma solitude, mon cœur est sous un tas de neige. Baby baby, baby, baby no more. Ok. Info pour une étoile, gamberge, planète rap, islam, où ça nous mène? Où ça nous mène? Gamberge, 13-0-15 Marseille. Ja, on est OP sur terre, OP en caisse, OP en flot pour islam. On est OP pour toute guerre, on est OP en fuf, cousin. Pour anesthésie de haine, mars 15ème, on est OP en crème et action pute, OP en culbute. Pourquoi mâcher tes mots quand tu dis être OP en franchise? Qui avance, qui fait du bif, qui dort? OP pour les tardis, ça confond amitié et bis. Demande à Islam, commandez à EOP. En texte, en soutien, au freestyle, on est OP. Demande à Fred, la prochaine fois, tu oublieras pas. T.A. Qui m'a fait le cas. Bah, merci à tous les gars. C'était Archilo, merci. À l'instant en live. Islam avec, eh ben avec du monde au micro, il y avait Style Fresh. Ah là, je me suis fait. Il y avait Esprit Noir, Fababi, Sultan, Déa aussi. Déa aussi, franchement, merci à vous les gars. C'était disons un petit rêve, tu vois, de réunir plein de rappeurs et faire un freestyle parce qu'il y a pas beaucoup de nanas qui le font. Du coup, voilà, gros kiff. Eh ben, c'était un bon kiff à l'instant. Et avant de se quitter, on finit avec un dernier morceau. On finit avec un dernier morceau, bah on met Oublie-moi. C'est eh bah Oublie-moi maintenant. Ah, mon son, ça c'est mon son, ça. Ça c'est ton son celui-ci. Wow, wow, wow. Ah, il t'a piqué, hein. Tu veux dire des trucs à la radio que tu dois pas dire, toi. Non, dis-les. Non, je rigole, c'est pour rire, le sait. Non, elle veut parler de ma vie privée devant tout le monde. Non, je rigole. Voilà. Je rigole. Ah, c'est ça. Allez, on écoute le morceau Oublie-moi maintenant sur Skyrock. Oui. Non, m'interroger, de m'inquiéter, t'as la route était, avec qui que tu faisais. Tu sais bien que t'es pas honnête, t'es pas fidèle, toujours à draguer, à ignorer les faits. Je ne peux plus rester sans rien faire, sans réagir. Là, c'est décidé, je m'en vais. Je ne compte plus revenir, tu pourras peut-être me récupérer, mais dans une autre vie. Peut-être, mais dans une autre vie. Es-tu prêt à changer pour moi? Je m'efforce de le penser. Sinon, préfères-tu que je m'en aille? Oh, oh, que je m'en aille. Stop, oh, oh, j'ai besoin de faire un break. Je rime pas avec toi, moi j'ai besoin d'un homme honnête. Je te dis ça, oh, tu sais pourtant je t'aime. Pourquoi te sens-tu obligé de répandre ta peine? Tu manges ma vie et mon esprit. Viens pas me dire que tu regrettes. Mon mensonge c'est fini. Je pourrais peut-être respirer, vivre ma vie. Sans que tu me fasses souffrir. Peut-être sans que tu me fasses souffrir. Es-tu prêt à changer pour moi? Je m'efforce de le penser. Sinon préfères-tu que je m'en aille? Oh, oh, que je m'en aille. Stop, oh, oh, j'ai besoin de faire un break. Je rime pas avec toi, moi j'ai besoin d'un homme honnête. Je te dis ça, oh, tu sais pourtant je t'aime. Pourquoi te sens-tu obligé de répondre après? Tu hantes ma vie et mon esprit. Je t'en prie, ça. Islam déjà dans les bacs. Allez, chez cher, you know. J'étais un peu moins naïve et que toi t'étais moins inaccessible, je le sais. Ça aurait bien fini. Tu manges ma vie et mon esprit. Tu t'en brises dans ma tête et oublie-moi. Tu t'empares de moi comme un outil. Tu sens défense face à toi. C'est extrait de l'album où ça nous mène d'Islem. Le morceau, c'est Oublie-moi. C'est ce qu'on écoutait à l'instant. Et avant de se quitter dans le Planète Rap consacré à Islem, on va saluer tous ceux qui sont passés ce soir. Merci. Merci à Style Fresh. À Style Fresh d'être venu. Style Fresh qui est toujours en train Merci de bosser. Merci pour l'invite. J'aimerais passer une petite dédicace, Vas-y. S'il vous plaît. Grosse dédicace à Dan, mon gars. On est ensemble. Grosse dédicace à Jezel, Bilal et Yann Guéno. N-E. Et franchement, l'album d'Islam, c'est vraiment quelque chose. Si j'ai écouté, ça fait longtemps et c'est ça fait longtemps que j'avais pas kiffé un album de R&B comme ça. Donc pour ceux qui l'ont pas pris, faut foncer. Et ben merci d'être venu, merci Fababi aussi. Ouais, grosse dédicace à Islam. Bon, comme tout le monde sait très bien, c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Mmh. Je l'apprécie beaucoup et j'espère que son album va péter le score parce que elle le mérite. Ça fait un moment qu'elle attend, elle a pris son mal en patience. Et elle mérite que le succès. Et ben on lui souhaite en tout cas. Oui. Et merci à Sultan dont c'est l'anniversaire et qui est quand même passé. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire une fois de plus Sultan. Quand moi je voulais remercier Slim aussi de m'avoir invité, d'avoir et pensé à moi. Faire. Ouais, on s'en fout, il vient, c'est tout. Non, je voulais remercier Slim parce qu'on n'a pas eu de collaboration officielle. Je suis pas sur un morceau où elle est dessus, donc voilà, peut-être que ça viendra. Surprise. Donc voilà, et bah, suivre. Qu'elle nique tout aussi. Voilà. Merci Sultan d'être passé. Merci à Esprit Noir qu'on va retrouver lui dès lundi dans les bacs avec l'EP. Et demain soir tu reviens pour la nocturne. Hein. Ouais, exactement, demain soir. À pas louper. Et voilà, grand merci à Islam. Merci à ça toi. Fait plaisir parce que je te suivais, je rappelle même pas encore, je crois. Et voilà, ça fait plaisir d'être à son Planète Rap. Et franchement, quand il y a un bon CD, c'est bien que les gens essayent de suivre, tu vois, aller acheter les projets. Donc c'est important si vous voulez de la bonne musique à l'avenir. Et Islam fait partie des gens qui fournissent de la bonne musique. Donc soutenez Islam, c'est dans les bacs depuis lundi. Et avant de se dire au revoir, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Viens gagner ton iPad mini plus ta compil Planète Rap 2014. Laura de Valenciennes, ça va bien, Laura? Oui, ça va super. Contente de vous avoir au téléphone. Et pareil, bienvenue. Prête à faire tourner, on y va? Oui. Allez, c'est parti. Dès que tu veux, tu dis stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est l'album Planète Rap avec la clé USB collector Planète Rap qui arrive du côté de Valenciennes. Laurent, on voit tout ça. Ok, merci. Je peux faire une dédicace? Vas-y. Oui, alors dédicace à mon chéri, à ma soeur, à mon beau-frère et puis à toute ma famille. Ça commence. Eh ben, bisous Laura, qu'est-ce qu'il y a Fabien? À bientôt, salut. C'est bien quand elle a dit son chéri, putain. Qu'est-ce qu'il y a Fabien? C'est lui, fait le célibataire endurci. Elle a dit merci mon chéri, il avait le seum. C'est un désespérette lui, c'est un désespérette. Eh ben, je vous laisse passer un bon anniversaire avec. Tu l'emmènes pour ton anniversaire ou pas sur le temps? Tu. Comme qu'il m'aime pas un truc chelou. Oui. J'hésite, t'as vu, parce que lui, il fait fuir les gens quand je l'emmène quelque part. Bah, il a une jolie veste rouge. Il enlève ses chaussettes, tout là, ça. Tu peux pas le louper quand avec ton. Quand on est dans ton bus, il enlève ses chaussettes. Des fois, je me réveille, je vois ses gros pieds. On dirait des knacky balls, ça vénère. Ma parole. Bon, je vous laisse régler vos petites histoires entre vous. Merci d'être passé, Islam. Merci demain. Merci à vous, merci à tous les invités. Fresh, Baby, Sultan, Esprit, merci à tous. Dani, Scred, Ablaï qui est dehors, DH, t'oublie pas. Voilà, merci à tout le monde. Et merci à vous tous et on se retrouve demain juste avant 20h pour la dernière émission de la semaine avec Islam. Là, c'est Difool qui débarque juste après la minute de pub.